J'ai appris à aimer les secondes qui viennent, un couteau entre les omoplates, sourire au soleil sous les nuages, un jour maussade, à rester droit quand la course penche, langue sur le sol vomiteux, captant l'intention des puissants, je suis planté là des ans épuisants, écoutant les palabres et raisonnements, hurissant, gens suffisants, puis détester mon visage à l'écran, fallait livrer bataille, j'ai fui seulement, je crois que j'en ai pas eu le cran, celui de porter le poids, d'être si connu que l'air stresse comme des murs, gardé par des démons trépidants, de mettre de marche, c'est pas évident, la nature humaine retort, ça fait de moi un bonhomme hésitant, but suprême à tous, aimer, rire, vivre et rester entier, j'ai vu le courage irradiant, pas dans le shit mais dans le chantier, arrête ce char, la fumée m'a porté au paradis des lâches, faux comme ce nuage épais, mes responsabilités jetées dans les bras du JB, c'était sûrement la faute aux autres, enfin c'était mon idée, c'est drôle comment on change, mais les valeurs au piqué, c'est glorieux comme taper un mec à terre en comité, nos carcasses errent dans ces rues sans sympathie, faisant place aux comiteux, à la partie que de lâches comités. Derrière nos visages, courage, on rapatrie. Mettant le feu à des voitures. On promet clan, sera pas triste, on y met. La rage, la rancœur, la haine. On s'aperçoit même pas quand nos tripes traînent par terre. Comme des milliers de gens, j'ai été souligné, souillé quand mes repères ont été oubliés. Et l'esprit, la chose la plus dramatique à perdre. Car la valeur d'un homme se mesure au poids de ses pensées. Enfin, je crois, tu sais, faut avancer. Car nos cœurs sur des chemins sinueux sont lancés. La première image, celle qui me saute aux yeux. C'est sa mère avec ses bras dirigés vers les cieux. Moi pouvoir rien faire, je me sentais lâche pendant que mes potes cherchaient le feu. Le moment où la jeunesse gâche, courageux ou débile, vie sans s'en tape au fond on sait rien. Ce qui motive les êtres plus rien. Plus le temps de voir que tous on est schizophrène. Qu'on rêve tous d'une autre vie avec moins de peine. On se pose pas de questions avec 20 piges dans la poire. Passion, désir et éléments clés de mon répertoire. Dire qu'il aurait pu avoir des gosses comme moi. Voir que la vie c'est eux et pas nos putains de proies. Nos chemins bis créent des fossés où c'est dur de sortir. Il a pas vu le sien au milieu des servir. Ni personne d'ailleurs, c'est la société qui veut ça. Ouais, chacun s'occupe de son cul, son chemin de croix. À cause de cette mentalité de merde, j'ai perdu un frère. Sur vos faces, je gère, je pourrais jamais me taire. Tu vois, toujours dans le même créneau qu'on a la merde. Des gains la veut, mais c'est ancré dans le sang chez nous. Et avec ça, on vit, et on emmerde le monde. Quoi qu'est-ce qu'il y a, fallait le voir s'effondrer. Son sang se répandre, son corps se détendre. Et nous attendre que le miracle descende, il s'est fait descendre. Combien sont fautifs, combien sont lâches dans ce texte. À vous le compte, à vous de voir, à vous de répondre. Peut-on vraiment le dire? On déambule tous un bandeau sur les yeux. Nos jugements sont faussés. Tenez cette pauvre vieille sur 50 mètres. Merde, on est capable de ça, c'est dur à admettre. Est-ce des hommes ou bien des bêtes, leur ont fait en grosses lettres. Est-ce qu'une encoche de plus sur l'être de leur crosse. Manquerait plus qu'ils prennent la grosse tête, ça me consterne. Derrière la fin, l'honneur se terre, le cœur se tait. Comme ces ventres affamés que je me surprends à détester. Comme ces bouches restées fermées, ces bras figés. Qu'avait pas de seconde pour gonfler le torse d'une triste humanité. Bien sûr, ça me concerne, je l'imagine à l'été. Je pense au sien que j'aurais pu en être. J'enrage rien qu'à styler. Qu'on puisse voir ça comme une banalité. Un show télé ou dame fatalité, c'est fait grassement payé. Un coup de mine par ces cons laissés. Afrique parsemée, personne s'en mêle. Racisme affiché, mais tant que le shérif dit rien, personne doit brancher. Péché originel. Dans mes gommons, René, à l'abri du secret confessionnel. Comment tu veux que volent nos anges sans leur sel? L'acheter quotidienne, ça doit être dans le sang. L'air du temps, hypocrite, mélodie. Clos les paupières de ses yeux que l'on maudit. C'est mot sciemment omis, je crois pas à ce que je lis. Ça aurait pu être ma mère, merde. Ils ont traîné cette pauvre vieille sur 50 mètres.